co smagło. Mais c'est fade maintenant. Non? Ben non. Bon, alors, Zarbo, tu nous balances un fond, hein, comme ça on n'entend pas les défauts. Je comprends pas parce que moi, celui qui me l'a réglé, c'était nickel chez lui. Il entendait impeccable. Oui, mais c'est pas ta guitare, c'est l'ampli là. Zarbo, fais péter. Fais péter quelque chose en fond derrière. Et donne-moi trois notes qu'on peut jouer parce qu'on a du public sur Second Life. Bah, c'est tout géré par mon tone port. Line 6. Bon, ok. Attends, let's go. Oh le fumier! Oh le salaud! Maggie, laisse! I'm very sorry. Zarbo is turning crazy today. Ça sent l'amateur de film de boule là! Oh my god! Oui, c'est le cas de dire. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi! Tu t'es loupé là! Ça, là, il y en a plusieurs, à mon avis. Hey, people, I have two girls listening, so please. Ça c'est facile, Sharon, c'est Do, Sol, Do, Sol. Click, click, Conte morning, on its walk. I tend to feel j'ai pas les doigts assez longs pour aller assez vite. Ouais, cale-toi là-dessus. Do sol. Et après, il y a un passage en ré. Do. En sol. Monday mornings, honest walk out in the field. Down bread in my mama's kitchen, lady saying grace before the meal. Hey, family tyranny in this land, oh, and I'm never very far from what I am. I was born in the country, and that's what it always be. Like the river on the woodland, we land free. I got hungry, this down, I'm running through my blood. I was born in the country, and the country what I love. Beside me, cricket serenading in New York. What more could two people ask for? Being here in love beneath the star. Now this is where I want to raise my kids, just the way my mom and daddy did. I was born in the country, and I run. Like a river on the woodland, we'll land free. I got a hundred days of down, I'm running through my blood. I was born in country, and this country what I love. Clear creek, cool mountain mornings, honest walk out in the field. Cow breed my mama's kitchen, daddy saying grace before the meal. Family tied round deep in this land, and I'm never very far from what I am. I was born in the country, and that's what it all will be. Like the river on the woodland, we land free. I got a hungry knees up down, I'm running through my blood. I was born in country, and this country what I love. Ouais, il y a des moments où tu étais bien dedans, ça allait. Changement d'eau sol. Bon, c'est pas sorcier. En country, il suffit d'être. De rentrer dedans, c'est un train. T'imites un train ou un cheval, tu peux pas te tromper. Ouais, mais j'ai pas trop capté le rythme en fait. Mais c'est pas grave. Bah, c'est... Hey, la batteuse derrière, tu l'entends pas? Ouais. Le plus dur, c'était de faire ce changement très rapidement. Et après, j'ai pas suivi quand tu passais sur la batteuse moissonneuse. Tu sais, la country, c'est comme le rock, c'est pas bien compliqué. Hein. Faut rentrer dedans, c'est tout. Thank you, Ross. Alors. Thank you. J'ai entendu passer une mouche. Paf. Qui c'est qui a mis la mouche? Une bonne claque. Ah, j'avais une chanson américaine sur les grenouilles, les mouches et tous ces trucs-là, je ne me rappelle plus. I have a problem. Pink Floyd, oh my god, don't. Bois, bois, bois, bois, bois, bois. I'm a frog. Take all off. Bon, on se le refait sa petite blonde. Pourquoi tu joues avec les pieds ? Tu connais Down on the Corner ? Sur Second Life, c'est par Schmidt ou un autre film. early in the evening, just about supper time, passed by a cowboy there, stating a word of mine. Down in the corner, out in the street, Willie and the poor boy are playing back and he'll take your feet. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boy are praying, bring the nickel, tape your feet. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boy are praying, bring the nickel, tape your feet. Mais je croyais que tu la connaissais, moi. T'as vu le truc de Creedence Clearwater? Oh my god, I didn't play this. The girl is Molly, so like a boy. The girl is Molly, so like a boy. When you're rocking and rolling, can hear your mom call. Bon allez, je dis plus rien, j'attends moi. J'ai la tronche. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas la tête à ça. Hôtel Normandie. C'est bien, Patrice, enfin. Moi, j'aime bien. Bah, j'ai jamais dit le contraire. S'il fallait que je chante tout ce que j'aime, putain, c'est plus une mémoire qu'il me faut, c'est un disque dur. Tu veux nous chanter une chanson d'Edith Piaf ? D'abord. Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui taire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Enlève-moi cette mouche.